après les enfants qui débarquent. Très connu qui s'appelle Sylvain Tesson. Vous avez peut-être déjà vu des livres de lui, ils sont tous disponibles ici. C'est un romancier aventurier, quoi. C'est un mec qui part à l'aventure dans un sidecar. Il vit plein d'aventures, il raconte tout ça de façon romancée, mais aussi il en profite pour parler d'autres choses. Enfin, voilà. Enfin, c'est vraiment le genre de littérature que j'aime, qui fait voyager, qui fait aussi réfléchir. C'est un peu à ça aussi la littérature et l'art en général. Donc cette chanson-là s'appelle Baïkal, puisqu'elle est inspirée d'un roman qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie, qui est un de ses romans les plus connus, qui a été adapté d'ailleurs au cinéma il n'y a pas très longtemps. J'avais envoyé d'ailleurs ma chanson au réalisateur, un mec qui s'appelle Safi Nebou, et puis il a préféré prendre Ibrahim Malouf. Bon, accessoirement, il a eu le César de la meilleure musique pour ça. C'est pas grave. Ça arrive la prochaine fois. Et voilà, donc dans les forêts de Sibérie, il part expérimenter la solitude. Un peu le seul truc qu'il n'avait pas expérimenté jusqu'alors. Vivre dans une cabane au bord du lac, aller pêcher des poissons en cassant la glace parce que le lac est gelé 6 mois dans l'année, même plus. Et croiser très peu de gens et en fait bien vivre. On en parlait tout à l'heure avec Patrice, j'ai pas oublié Patrice, c'était là. Il me disait, ouais, j'ai lu le livre, je fais bien l'accent. Ah ouais, je pensais que ça allait être un truc d'aventure et qu'il ne parle que de littérature dedans. C'est vrai. C'est un bon bouquin. Faut que je vois le film.